présente The Shins, live en spectacle. Jouant toutes leurs chansons classiques ainsi que le nouvel album Port of Morrow au Metropolis le 23 mai avec invités spéciaux Ra Ra Riot. Billets en vente dès maintenant. Appelez au 1-855-790-1245 ou visitez evenco.ca. The Shins, le 23 mai au Metropolis. Présenté par Greenland et Evenco. La formation The Great Novel vous invite au lancement de leur tout premier album intitulé Ain't Too Pretty, co-réalisé par Danny Placard. À 21h, le vendredi 17 mai, au Divan Orange. C'est gratuit, mais ça risque de donner soif. Pour les curieux, visitez le thegreatnovel.com. On sait que la sortie du jeudi, c'est pas pour les petits joueurs. C'est pour ça que le jeudi, attention, on sort nos canons. Commande ta grosse Tremblay ou ta Swing Top dans le pub et on te la sert dans le rock. Avec deux grosses pointures comme Grolsch et Tremblay dans la place, on n'a pas le choix de t'offrir les deux ambiances, pub et club. Tu veux chauffer le plancher de danse? Alors prends ta grosse ou pop ton top. Les feux de la rampe t'attendent tous les jeudis à l'Abreuvoir. Abreuvoir. Pub, club, terrasse, 403, Ontario-Est. Oceaga présente The National live à Montréal le 13 juin au Canal Lachine. Avec invité spécial The Bar Brothers. Billets en vente maintenant au 1-855-310-2525 et sur evenco.ca. Pour en savoir plus sur le groupe, visitez le americanmary.com. The National au Canal Lachine le 13 juin. Écoutez CISM 89,3 FM. Bonsoir à tous, Jean-François Lusignan avec vous pour l'émission Le Terminus en ce vendredi 3 mai. Le Terminus, je vous rappelle, une émission dédiée au rock indépendant. Et on a au programme ce soir la musique des Flaming Lips, du nouveau matériel qui vient de paraître, également nouveau Holograms. Du côté des vieilleries de la semaine, on aura Teenage Fan Club, également Le Nombre, mais aussi Ugly Casanova, Toy Modern Superstitions et plein d'autres choses. On va commencer avec la musique de Mikael Cronin. Mikael Cronin, ou Cronin, ouais, c'est ça, le pote de Ty Segall qui va sortir mardi prochain, le 7 mai, son troisième album en carrière. Et on a déjà un extrait qui est sorti dans les dernières semaines, il s'appelle Wait. Et ça annonce peut-être une certaine distance du rock garage plus pur avec un petit, maintenant une petite tendance vers le pop ou des chansons un peu plus accessibles qui visent peut-être un plus grand public en même temps. Donc, également, Monsieur Cronin sera à Montréal dans les prochaines semaines. Surveillez ça. Il sera en spectacle donc à Montréal si vous aimez son qu'il propose. On va tout de suite donc écouter Mikael Cronin Wait sur les ondes de CISM. I'm We'll be right back. un groupe qui roule depuis quand même un peu plus de 30 ans. C'était The Pastels avec Check My Heart, qui est le premier extrait de l'album Slow Summit qui s'en vient le 27 mai prochain. Et juste avant The Pastels, c'était No Joy, les Montréalais, et de leur album Wait to Pleasure, qui est sorti il n'y a pas tellement longtemps et qui est actuellement sur le palmarès de CISM. Et le groupe No Joy sera aussi en spectacle lancement de l'album le 17 mai prochain à The Plant, une nouvelle salle, il semblerait, qui est située au même endroit que la salle qui n'aura pas existé tellement longtemps, l'envers. En fait, c'est au 185 rue Van Horn, coin Esplanade, pas très loin de l'avenue du Parc dans le Mile End. Donc, spectacle lancement de No Joy à The Plant le 17 mai prochain. On va continuer avec un autre groupe qui a fait paraître du nouveau matériel dernièrement. C'est les Flaming Lips qui sortaient de Terror il y a tout juste 2 semaines. Et un album sur lequel la bande de Wayne Coyne propose seulement 9 titres, mais qui sont un peu plus sombres que leur matériel précédent. On va entendre la chanson qui ouvre l'album de Terror, chanson qui s'appelle Look, the Sun is Rising, des Flaming Lips à l'émission Le Terminus. Australien de Palms avec Love, une des trois chansons publiées par le groupe sur leur page Bandcamp. En fait, c'est les trois seules chansons qu'ils ont actuellement à leur actif, en fait, qu'ils ont publiées au grand public. J'imagine qu'ils en ont d'autres, mais ils les gardent pour eux pour l'instant. Donc, c'est à suivre Palms. Palms, en fait, .bandcamp.com. Et juste avant, Flesh and Bone, le premier extrait du nouveau Holograms qu'on attend, pour ma part, très impatiemment. Pour le 3 septembre prochain, toujours sur Capture Tracks Records, le label de Brooklyn. Et on est maintenant rendu à la vieillerie de la semaine. C'est l'album Songs from the Northern Britain de Teenage Fan Club qui est sorti en 1997. Enfin, un album qui aura permis à la formation écossaise de connaître son plus grand succès en carrière. Formation qui avait débuté à la fin des années 80. Et donc, succès surtout au Royaume-Uni avec la chanson Ain't That Enough qui était sur cet album-là. Mais nous, on va entendre une autre chanson du même album. C'est la chanson Can't Feel My Soul de Teenage Fan Club sur les ondes de CISM. Yeah. toi aussi. Marianne, le nombre tiré de leur tout premier album qui remonte à 2004 et c'était précédé de Teenage Fan Club, Can't Feel My Soul. On continue avec le projet parallèle d'Isaac Brooke de Modest Mouse, Ugly Casanova, qui aura donné un seul album qui s'appelle Sharpen Your Feet, sorti en 2002. Et la légende veut que ce projet-là aurait été initié par un fan du groupe, un admirateur qui aurait remis des maquettes de chansons au chanteur donc de Modest Mouse après un spectacle. Ils auraient commencé à travailler ensemble sur ces maquettes-là pour finalement disparaître. Mais c'est une légende qui est un peu contestée parce qu'il semblerait que Isaac Brooke, dans son parcours, il y aurait des traces de ces chansons-là auparavant, avant la présence de ce mystérieux fan-là. Donc on soupçonne que ce soit une histoire montée un peu pour garder le mystère derrière cet album-projet, dont il n'y a pas eu de suite par la suite. Et donc une collection de chansons sur cet album-là qui sonne un peu différemment de Modest Mouse, un peu plus folk country alternatif que les albums du groupe de cette époque-là. On va entendre Things I Don't Remember d'Ugly Casanova. C'est toujours sur les ondes de CISM à l'émission Le Terminus. Things I don't remember, things I don't remember, things I don't remember, things I don't remember, things I don't remember, things I don't remember, things I don't remember, things I don't remember, things I don't remember, things I don't remember, things I don't remember, things I don't remember, things I don't remember, things I don't remember, things I don't remember, things I don't remember, things I don't remember, things I don't remember, things I don't remember, things I don't remember, things I don't remember, things I don't remember, things I don't remember, things I don't remember, things I don't remember, things I don't remember, things I don't remember, things I don't remember, things I don't remember, things I don't remember, things I don't remember, things I don't remember, things I don't remember, things I don't remember, things I don't remember, things I don't remember, things I don't remember, things I don't remember, things I don't remember, things I don't remember, things I don't remember, things I don't remember, things I don't remember, things I don't remember, things I don't remember, things I don't remember, things I don't remember, things I don't remember, things I don't remember, things I don't remember, things I don't remember, things I don't remember, things I don't remember, things I don't remember

Toy avec Make It Mine de leur premier album homonyme sorti l'automne dernier. C'était juste avant, c'était Jean Genet avec la chanson Jean Genet. Et bien, on continue tout de suite hein, avec les Torontois cette fois-ci de Modern Superstitions, leur chanson School Days. We'll be right back. pas d'exercice. Oh. Et oui, les trois accords avec exercice de l'album J'aime ta grand-mère, sorti l'automne dernier. Et bien, reste à l'écoute dans quelques instants, c'est Zeka Mendes et son émission La Main Faire qui prennent le relais pour la prochaine heure. Et pour retrouver la liste des chansons que tournées pendant la dernière heure, justement, qui s'écoule bientôt, qui se termine bientôt, vous pouvez vous rendre sur le CISM893.ca. Dans quelques minutes, la liste des chansons va être disponible également, balado-diffusion. Il sera également, et sinon, archive de l'émission sur leterminus.ca. Et on va quand même avoir le temps d'entendre une dernière chanson. Ça va être la défunte formation de Valleyfield Harvey, qui est décédé, mais dont le chanteur Philippe Guérin continue en solo sous le nom de Félin et sous un format folk francophone. Et donc, je vous invite à aller voir ça. Je crois que c'est felin.bandcamp.com pour suivre son projet solo. Mais nous, on va entendre son ancien groupe, Harvey, la chanson « I Keep Everything ». Je m'appelle Jean-François Lusignan. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée. On se retrouve vendredi prochain, 21h, pour l'émission Le Terminus. Ciao! Hey!